Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et Marie-Claude Dionne sur CKRL au 89.1 et dans cette deuxième demi-heure, nous abordons le sujet un peu plus lourd, la guerre. La guerre, c'est un sujet récurrent dans les bulletins d'information en Syrie, au Soudan, en Ukraine, au Yémen et dans bien d'autres régions du monde, sans parler des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et pourtant, on entend aussi parfois qu'en regard des siècles précédents, nous vivons dans une période relativement pacifique. Alors, est-ce vraiment le cas? Eh bien, nous allons avoir la réponse avec Yvan Dutille. Bonjour Yvan. Bonjour Valérie. Oui, donc c'est quelque chose qu'on entend, hein, qu'en ce moment on vit dans une période relativement calme, et pourtant on entend parler de conflits un peu partout. Est-ce que c'est en se référant au conflit majeur qu'il y a eu au siècle dernier? Comment on en arrive à cette conclusion-là? En fait, c'est un problème qui a l'air tout à fait simple. Est-ce que le monde est plus calme aujourd'hui que, mettons avant la Deuxième Guerre mondiale, qui est à peu près la référence que tous les chercheurs utilisent? Et il y a 2 ans de ça, il y a eu un débat acrimonieux entre deux personnalités publiques. Une de ces personnalités, c'est Steven Pinker, qui est un psychologue de Harvard, un professeur de psychologie évolutive de Harvard, linguiste aussi, et c'est un Québécois, c'est un Montréalais de naissance. Ouais. Pinker a écrit un livre de Better Angel of Our Nature. Et lui, sa thèse est que la violence diminue depuis des siècles. Je pense que là-dessus, on peut pas mal se converger que c'est le cas. Ben, il se base sur quoi pour dire ça? Il y a toutes sortes de le taux de mort par meurtre, toutes les formes de violence. Il va chercher des exemples du Moyen-Âge où les gens avaient des loisirs qui étaient d'une sauvagerie hallucinante qu'on ne passerait pas de nos jours. Et puis, il rappelle des trucs comme la notion de droit de l'homme qui n'existait pas. Il n'y a pas 250 ans de ça. Là. Donc, il y a eu une évolution. Parce que ce n'est pas facile à comptabiliser, tout ça, quand même, tous ces cas de violence qu'il y a eu dans le passé. Oui, mais c'est ça. Mais il est allé voir dans les statistiques. Il y a des archives un peu partout en Europe. Il montrait qu'effectivement, le taux de criminalité était beaucoup plus élevé autrefois qu'aujourd'hui. Il y a plein de choses qui indiquent une tendance lourde vers la diminution de conflits. Et là, il y a 2 ans, il a fait un truc. Il a dit oui, mais les. Puis là, il a dit ah oui, mais on peut s'attendre aussi que les grandes guerres vont diminuer. Et là, il y a une autre personnalité publique, un statisticien philosophe, Nicolas Taleb, qui est connu pour son livre Fooled by Randomness, puis aussi pour The Black Swan. Et en fait, c'était un ancien broker de Wall Street aussi. Et lui, son argument est attention, il dit pas parce qu'il y a une période relativement prolongée sans conflit que c'est une indication qu'il y a eu un changement structurel dans la nature des statistiques des conflits. Et donc, son point revient un peu à. On peut faire un petit peu d'épistémologie pendant 30 secondes, au problème du dindon inductiviste de Russell. Qu'est-ce que c'est ça? Bertrand Russell, le grand philosophe, avait donné cette image-là du problème comment fabriquer la connaissance. Et un des problèmes, c'est l'induction. Alors, l'induction, c'est quelque chose se passer comme ça, puis ça se repasse tout le temps comme ça, donc la conséquence est que ça va continuer à se faire. D'accord. Par exemple, le soleil se lève le matin, si j'ai toujours vu se lever le matin, ben ça va continuer. Bon, comme ça. Par contre, là, il donne un contre-exemple qui est l'exemple du dindon. Alors, le dindon se lève le matin, il reçoit de la bouffe. Mais le dindon, il remarque qu'après tous les jours que la bouffe arrive tous les matins. Et bien, il dit, oui, il faut faire attention, peut-être que ça peut changer. Alors, il regarde, dès qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse soleil, il y a toujours de la bouffe dans son auge le matin quand il se lève. Alors, il arrive à la conclusion que quoi qu'il arrive, il va être nourri tous les matins jusqu'à la fin de ses jours, sauf que ce matin-là, c'est le matin de l'action de grâce et il va avoir la tête coupée. C'est la limite de l'induction, en fait. Et là, la question est-ce qu'on est dans une situation anormal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un chercheur, moi c'est un de mes héros en sciences, Lewis Fry Richardson. Richardson est connu pour 2 choses. La première, c'est lui qui a inventé la prédiction météorologique numérique lors de la Première Guerre mondiale. Numérique? Oui. À la main. Oui. Richardson est un physicien de formation. C'est un Quaker. Il est un ardent pacifiste. Alors, à la Première Guerre mondiale, il refuse de porter les armes. Il s'engage dans le corps des ambulanciers, sur le front. Il fait quelque chose de complètement fou. Il calcule, il solutionne les équations mathématiques de la physique des fluides, qui sont excessivement difficiles, numériquement, et il essaie de calculer pour une journée l'évolution de la température. C'est un échec. Ça, c'était dans le cadre des développements des opérations militaires. Ah non, même pas. Ah, non, d'accord. Okay. Lui, il faisait ça pour son loisir. Ah, OK. Je pensais que c'était en soutien aux opérations militaires. Non, okay, il était complètement opposé à ça. D'ailleurs, ça a été un problème pour lui parce qu'à un moment donné, il s'est aperçu que ça pouvait aider les opérations militaires, ses recherches sur la climatologie. Et il a un peu délaissé ça en météorologie. Mais il avait fait ces calculs-là à la main. Il avait oublié, c'était les balbutiements des méthodes numériques, et il avait oublié d'amortir le bruit. Alors, ses équations étaient complètement instables. Mais il avait fait ça sur le front. Et il avait failli perdre son carnet suite à une attaque. Mais lui, il est resté, il a toujours été fondamentalement pacifiste. Et en 1960, il a publié un livre, Statistics of Deadly Quarrel, qui est l'historique de tous les conflits de 1815 à 1945 avec le nombre de morts, tout ce qu'il avait pu trouver dans la littérature. Et lui, il a essayé de montrer que finalement les conflits armés étaient un peu comme les tremblements de terre, ou c'est un phénomène avec des facteurs d'échelle. Mm-hmm. C'est une méthode, c'est statistique. Ah, oui, oui. Alors, Richardson a fait ça dans cette époque-là, dans les années 60. Puis une des conséquences, c'est que la récurrence des conflits est un peu inévitable. Donc là, en fait, il faisait un parallèle entre la distribution, l'amplitude des conflits, et puis, de l'autre côté, les tremblements de terre. Donc, ça arrive Terre, et c'est plus ou moins grand. La forme statistique de ces phénomènes-là n'est pas... c'est ça le parallèle qu'il fait. Oui, la forme statistique, c'est une forme qu'on appelle en statistique... en français, comment ça? En anglais, on dit « fat tail ». En français, on dirait « à queue étendue ». C'est que... On a tendance à penser, à voir les phénomènes comme une gaussienne. En statistique, ce qu'on apprend plutôt, une gaussienne. Donc, dans une gaussienne, les événements rares diminuent exponentiellement plus qu'on s'éloigne de la moyenne. Ça, c'est la fameuse courbe en cloche, là? Oui, la courbe en cloche. Donc, si on lance des dés, les chances d'avoir 4 fois 6 décroissent, 5 fois 6, ça décroît exponentiellement. Ça, c'est la distribution gaussienne. Mais Richardson dit non, c'est pas gaussien. C'est probablement une loi de puissance, qui est une autre famille de distribution qui correspond à ce qu'on observe avec les tremblements de terre, la pluie, toute une autre branche de phénomènes naturels qui ne sont pas, n'ont pas les mêmes propriétés. Et là, ça pose un problème sérieux. En fait, la bourse suit la même distribution, ce qui fait que les événements très importants se produisent beaucoup plus souvent que ce que donnerait une distribution gaussienne. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Nicolas Taleb avait repéré ça. Et un des problèmes, le crash de 2007, une des raisons pourquoi le crash de la bourse de 2007 a été si fort, c'est que les algorithmes automatiques avaient été construits avec une distribution statistique gaussienne à l'interne au lieu d'une distribution de loi de puissance. Et ce qui fait que la journée où la bourse a secoué un peu plus que ce qui était prévu, ils ont paniqué. C'est un événement qui était supposé se produire une fois par 10 à la 32 années, c'est produit en quelques années. Donc, c'est la grosse différence, c'est que si vous avez une loi de puissance, des phénomènes immenses vont apparaître beaucoup, beaucoup plus souvent que par une distribution statistique gaussienne. Et là, c'est ce qui se passerait aussi donc avec la distribution des conflits armés. Oui, exactement. Ah, et là, ça, c'est un sacré problème parce que ce type de distribution statistique-là est beaucoup plus pénible à utiliser que des distributions gaussiennes. Parce que les événements rares reviennent rarement. Ils peuvent être très, très forts. Et alors, c'est son événement très rare qui détermine la forme de la distribution statistique. Donc, un des problèmes similaires qu'on a, c'est la récurrence des événements extrêmes en météorologie. Ah oui. On dit que les changements climatiques font que les événements extrêmes sont plus courants, mais ils sont rarissimes. Montrer une augmentation de ces phénomènes-là est très difficile du point de vue mathématique. Donc, ça, c'est le problème auquel on fait face. C'est là, si on ne peut pas faire notre dindon inductiviste de Russell, il faut avoir un test statistique adéquat. Et là, arrive récemment Aaron Closet, qui est un chercheur qui a publié dans Scientific Report cette semaine, justement, une analyse des conflits entre les États de 1825 à 2003. Donc, il y a un certain nombre de conflits. Et là, il compare avant et après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et les regarde, est-ce qu'on voit des différences? Parce que la question est, est-ce qu'on est dans une situation de grande paix? Donc, première constatation, bon, on s'aperçoit que c'est compatible avec une loi de puissance, même s'il y a très peu de points. C'est là, donc, on embarque dans des tests statistiques assez difficiles. Et là, il arrive et dit, oui, avant la Deuxième Guerre mondiale, le fait qu'il y ait eu une Deuxième Guerre mondiale, ou même la Première Guerre mondiale, ces grands conflits-là, n'était pas statistiquement anormal avec les statistiques précédentes. Donc, ces boucheries à grande échelle étaient dans la nature des choses. Après la Deuxième Guerre mondiale, il dit, on n'a pas encore de statistiques pour voir s'il y a eu un changement. Parce qu'il y a, bon, pour toutes sortes de raisons en science, on présume que la grande période de paix qui a suivi la Seconde Guerre mondiale était causée par la grande croissance économique, l'augmentation du commerce international, les armes nucléaires, parce qu'on veut pas, on évite d'aller les grandes puissances, évite au moins de s'affronter directement. Et là, il dit, écoutez, il dit, on ne peut pas, du point de vue des statistiques, voir cet changement, et on pourra pas en voir si les choses continuent comme ça pendant encore 100 à 140 ans. Il faut faire rouler encore l'expérience longtemps. Oui, il faut accumuler des statistiques et ça prend le temps que ça prend. Alors, on en a pour très longtemps avant de voir cette différence-là. Donc, on a cette situation-là qui est assez désagréable, si on peut dire ainsi. Et toute cette question-là des conflits armés pose des problèmes, en fait, pour tout ce qui est en sciences politiques. Moi, j'avais regardé, en fait, j'ai fait le même jeu dans le temps du débat de Taleb et de notre ami Pinker. J'étais allé chercher, il y avait une banque de données des conflits, et j'ai fait le test, voir si on voyait la même chose. Et honnêtement, c'est pas facile, parce qu'on a des conflits, on pense qu'il y en a des dizaines, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a. En fait, mais puis là, c'est des tables. On parle de conflits là, dans ces banques de données-là. La limite inférieure, c'est 1000 morts. Donc, donc c'est vraiment des petits conflits. Et j'ai pris les deux ensembles de données. Les deux, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. On a deux pics, qui est Première et Deuxième Guerre mondiale, qui sont très anormales. Ouais. Et bon, là, il y a le problème de la normalisation. Parce que le problème, c'est que le monde a changé entre. Avant 1945 et aujourd'hui, le nombre de pays a été largement doublé ou triplé parce que c'était des colonies avant, donc les colonies entre elles n'étaient pas en guerre. Maintenant, c'est des pays indépendants, donc ça augmente les possibilités de conflits. Et aussi, la population mondiale a augmenté. Parce que si vous calculez en nombre de morts par année... Il faut rapporter ça au nombre de... Oui, là, ça change énormément. Parce que il n'y avait pas 2 milliards de personnes qui vivaient sur Terre au début du 20e siècle. On est rendu 7,5, donc il y a un facteur 3. Donc, en combinant ces deux choses-là, j'ai fait les statistiques avant, après. Et bon, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de différences. Mais en fait, on regarde quoi? On regarde le nombre de conflits, le nombre de décès, en fonction du temps? En fait, la façon, moi, que j'avais fait, c'était, je regardais la forme de la distribution statistique des conflits, donc le nombre de morts. Sur la période... en fait, j'ai regardé le nombre de morts en absolu et aussi le nombre de... en relatif, donc par rapport à la population par mondiale? Par rapport à la population mondiale, donc. Avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça veut dire, on regarde, et souvent on regarde, parce qu'il faut arriver à se le visualiser, là. Donc ça veut dire, on regarde le nombre de conflits où il y a eu 1000 morts, le nombre de conflits où il y a eu 10 000 morts. Oui, c'est ça. Année après année? Ben, en fait, c'est comme il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'avais pas travaillé avec un truc qui est un petit peu plus facile que des statistiques de récurrence. J'avais travaillé avec la distribution cumulative. Donc, ce qu'on fait, c'est que il y a combien de conflits de moins de 1 million de morts, de moins de 10 000, moins de 50 000. Donc, on a une courbe. Et j'ai fait ça pour avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Et on met les deux, un par-dessus l'autre. On compare. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les deux courbes sont très, très, très semblables. Il y a eu... Et c'est surprenant parce qu'on s'attend à des grosses variations. Il y a un petit peu moins de grands conflits, un petit peu plus de... un petit peu moins de petits conflits, mais les deux courbes se suivent. Et puis là, bon, écoutez, il y a eu énormément de changements. C'est étonnant que ça n'ait si peu changé que ça parce que, un, les armes se sont énormément améliorées. Même la façon de faire la guerre, c'est quand même oui, écoutez, dépendant des historiens, on va vous dire que la première guerre où les armes ont réussi à tuer plus de gens que les maladies, c'est soit la guerre de sécession américaine, soit la guerre franco-allemande. Donc, on est à la fin du 18e siècle, soit la Première Guerre mondiale. Donc, quelque part entre 1860 et 1918, là, on a réussi à battre les maladies avec les armes. Et en même temps, la médecine s'améliore. Donc, ouais. On améliore les armes et on a le potentiel de faire plus de morts avec les armes. Et le potentiel de mieux guérir les gens avec les gens. Oui, parce que les antibiotiques, oui, c'est ça. Une des choses, une innovation qui a eu lieu à la Première Guerre mondiale, on s'est aperçu à la Première Guerre mondiale qu'à la porte des gens étaient tués par des balles perdues. Alors, on a fabriqué des armes à faire des armes les armes à répétition. Mm-hmm. Ce sont des armes à faire des balles perdues. Mm-hmm. Les gens ne savaient pas viser ou évitaient de viser, en fait, et on a fabriqué ces armes-là. Donc, on avait amélioré la capacité de tuer les gens. Mais malgré tout ça, ça n'a pas changé. Très peu. Oui, c'est ça, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Et là, ça pose des questions un peu d'ordre philosophique. Est-ce que la nature des conflits est purement aléatoire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prévenir? Parce que si c'est si invariant des phénomènes à grande échelle comme ça, ça veut dire que peut-être on ne peut pas prévenir les conflits. Peut-être qu'ils apparaissent spontanément. Est-ce que la thèse de Richardson était ça? C'est que lui, il avait examiné des guerres de gangs de rue. C'était pas des pays, mais il descend à Chicago, entre les différents groupes de crimes organisés de l'époque, ou à Shanghai, il a retrouvé les mêmes distributions statistiques qu'il observait avec les pays. Donc, peut-être que c'est quelque chose d'inhérent à la nature humaine et qu'il n'y aurait pas de solution simple. Donc, c'est pas, en tout cas, ça correspond pas à la thèse de Steven Pinker. D'ailleurs, Pinker a avoué, après le débat avec Nicolas Taleb, que ses thèses portaient surtout sur la violence ordinaire, donc on parle des crimes ordinaires et de la violence ordinaire, et non pas nécessairement les conflits organisés qui sont d'une nature différente. Mais maintenant, faudrait voir, parce que là, en fait, ces études-là regardent les conséquences de la guerre en termes de morts, mais on pourrait aussi regarder en termes de destruction civile, etc. Si on fait le même exercice, est-ce qu'on aurait un autre résultat? Ça, c'est toujours dans les discussions qui suivent là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend comme indicateur? Puis, on parle de conflits, mais comme par exemple, on prend la Deuxième Guerre mondiale, on peut agréger toute la Deuxième Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est des conflits, différents conflits aussi. Là. Il y a plusieurs petites guerres à l'intérieur de la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon contre la Chine, la Russie contre l'Allemagne, mais il y avait d'autres guerres parallèles, la Finlande contre la Russie, qui n'étaient pas dans... Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui disent, ben là, il faudrait plutôt diviser ça par bataille, par grand... regrouper. Donc là, on a un autre dynamique. Donc, c'est tout ce débat-là, c'est semi-sémantique, c'est semi-conceptuel, mais c'est pas évident. Là. Personne n'a encore... Et il n'y en a pas... si on avait des millions de... C'est souvent les statistiques des grands nombres. C'est facile avec beaucoup de choses, mais on n'en a pas tant que ça. En termes de grande guerre, on a N égale 2, c'est un peu... Oui, c'est ça. N égale 2, peut-être un petit peu plus si on remonte à la première vraie guerre mondiale, c'est la guerre de 7 ans, là, qui a eu lieu partout sur la planète. Mais bon, ça fait quand même quelques siècles de ça. Donc, c'est pas évident. Et là, la grande question, est-ce que l'on est dans une situation de grande paix? Est-ce qu'on peut espérer ça, que ça va continuer? Pour l'instant, il n'y a rien qui nous permet de dire que ça va aller vers pire ou mieux. Donc, on va faire le pari de Pascal et on va espérer qu'on est du bon côté de l'histoire, que les choses vont s'aller en s'améliorant au lieu d'empirant. Oui, parce que quand même, quand on regarde les conflits qui ont lieu en ce moment, que ce soit en Syrie, donc ça se déroule depuis 2011, si on regarde en Afghanistan, il y a eu les Soviétiques, il y a eu les Américains, donc le pays est comme en espèce de conflit récurrent. L'Afghanistan, c'est un cas particulier. Ils sont en conflit depuis le 19e siècle. C'est ça. Donc, il y a une espèce de conflits récurrents, donc on a un peu de mal à imaginer que pour ces pays-là, le concept de paix n'est pas là du tout. C'est quand même des pays qui sont comme en stagnation, là. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe... Mais est-ce qu'on comptabilise finalement toutes les conséquences de... c'est pas juste les décès, là, c'est toute la stagnation du pays pendant une période mais de guerre. Il faut quand même être conscient que l'Europe était une zone de guerre jusqu'en 45. Perpétuel entre un pays ou l'autre. Hein. Ils n'avaient presque pas de période de paix. Donc, il y a quand même de l'espoir à ce niveau-là. Bon, alors on va rester sur cette note d'espoir. Ben merci. Puis je comprends qu'on n'aura pas la réponse pour savoir si on est dans une zone de paix ou de conflit jusqu'au prochain conflit majeur. Finalement, il faut attendre une centaine d'années jusqu'au prochain conflit majeur. Donc, on va espérer qu'on est dans une zone de paix. Ben, merci beaucoup, Yvan, pour tous ces éclaircissements. Je pense qu'on a le temps pour une petite pause musicale. Alors, allons-y sur CKRL au 89.1. Un petit peu de musique.